FrenchPod.com. Vous parlez français ? Un petit peu, mais pas couramment. Alors, quelle langue parlez-vous ? Anglais, mais je parle arabe aussi.